Le principe de l'amour cosmique. Pourquoi l'amour cosmique est-il un principe froid? Et pourquoi doit-il être froid? Dès la descente de l'ego dans la matière, il n'y avait que pour cet ego prévu que la volonté et l'intelligence. La volonté pour permettre à l'ego de se développer une conscience individuelle et l'intelligence pour s'assurer que cette conscience individuelle-là soit toujours sur le droit chemin. Cela étant dit, que l'ego puisse être capable d'un dialogue absolu avec toutes les parties de sa conscience pour visiblement traverser l'ensemble des mémoires et des expériences qu'il aura vécues pour s'assurer que les lois cosmiques qu'il associera à la volonté de son ego soient totalement réelles et puissante pour assurer l'autonomie de sa conscience à travers les siècles à venir. Cependant, il était entendu que le principe de l'amour cosmique devait un jour habiter cet ego pour que celui-ci puisse parfaire sa conscience dans une dimension qui lui rappelant toujours que ce qu'il faut à un ego pour être grand, c'est la capacité d'être multidimensionnel dans une conscience de compréhension qui lui permettrait de comprendre le rôle des plans invisibles sur la vie d'un ego planétaire, tout en étant aussi conscient que l'amour devait être un principe froid afin qu'une personne qui puisse regarder une autre personne ne s'attaque pas à celle-ci en tant que conscience individuelle, mais en tant que conscience personnelle pour qu'elle puisse prendre possession et obtenir une grande maîtrise de la sensorité qui doit lui revenir en lien avec les plans invisibles. Le principe de l'amour cosmique est un principe froid, parce qu'il ne s'attarde jamais à flatter l'ego dans le bon sens du terme. C'est-à-dire, oui, l'ego est intelligent, oui, il a de la volonté, mais est-ce que cet ego-là peut aussi être totalement ouvert à la perception de l'invisible en lien avec une conscience qui manifestera dans un verbe une capacité d'illustrer à l'homme que ce qu'il est n'est jamais un final absolu. Et c'est pour cela que l'étude constante de ce qu'il devient par rapport à lui-même ne peut jamais être fixée dans le temps. Et le principe de l'amour cosmique, puisqu'il est froid, il permet à l'ego de s'élever au-delà de la forme tout en étant totalement conscient que ce que les autres percevront de lui-même en tant qu'ego ne sera pas toujours une compréhension de la réalité d'une personne à intégrer dans sa conscience le feu absolu de sa dimension atomique pour alléger lui-même ses principes de vie dans la matière, mais aussi c'est cela qui permet à l'atome dans l'homme d'être en expansion totale pour que s'harmonisent complètement les plans de la vie et que l'invisible puisse descendre dans la matière selon le rythme et le degré de pénétration que l'homme a sur les plans invisibles. Car il n'est pas réel de penser que l'homme doit se sortir de la matière, mais c'est plutôt à lui d'amener l'invisible dans la matière afin que les principes de loi de la vie soient totalement compris par lui et qu'elles ne soient pas obstruées par des formes d'orgueil ou de polarité pouvant faire croire que l'amour est un principe chaud. L'amour tel que nous le connaissons sur la Terre est intimement lié à la spiritualité de l'âme qui a su parfaire dans sa conscience la sérénité d'avoir pour l'homme de l'empathie et aussi de l'appuyer dans ses développements pour qu'il ne s'écroule pas seul lorsqu'il vit des difficultés. Étant donné que l'amour chaud de l'âme et qui habite l'ego est celle de notifier aux hommes que ce principe doit un jour les habiter, mais non pas dans une forme où c'est le corps émotif qui chapeaute cette vibration de l'amour, mais bien le corps mental de l'homme qui fait partie de l'élévation du statut atomique des cellules de son mental pour descendre dans la matière une énergie totalement indifférenciée dont relève le principe de l'amour. Pourquoi est-ce que cette énergie-là est totalement indifférenciée? C'est parce que lorsque l'homme rencontre une personne et qu'il lui parle de réalité sur la vie en fonction de son devenir, il ne peut pas cautionner ce que l'homme ne voit pas. Il peut seulement lui dire que ce qu'il voit est peut-être une partie de lui-même et qu'il y en aura une autre qui doit se dévoiler, car cela est l'expression totale de l'impersonnalité d'une conscience, de dire et d'inviter l'homme à s'asseoir à la table des propres rendez-vous que parfois il peut manquer parce qu'on lui voilera dans sa conscience certains mystères. Le principe de l'amour froid assure à l'homme qu'il n'y aura jamais de mystère au-dessus de sa conscience, permettant à des intelligences autres que la sienne de venir lui dire comment la vie fonctionne. Parce que le principe ou l'énergie de l'amour a comme dimension d'épurer totalement l'ego, c'est cela qui le rend totalement impersonnel. Et dans cette impersonnalité-là, la transparence de pouvoir émettre une vibration qui est totalement nouvelle pour élever le mental des hommes à une réalité qu'eux-mêmes doivent reconnaître. Mais cela peut se faire difficilement, puisque parfois l'ego n'est pas prêt et il pense qu'il ne sera pas prêt à absorber une telle énergie, alors qu'en fait, ce mouvement ne vient pas de l'homme ou de l'individu en tant que tel parle, mais vient d'un processus cosmique d'individualité permettant à une personne d'avoir une identité qui lui donnera, dans son temps, l'assurance et la maîtrise de toutes ses énergies. Le principe de l'amour cosmique repose sur trois réalités. Il inverse dans l'homme tout orgueil qu'il peut avoir pour l'amener dans un deuxième temps au diapason de son énergie, c'est-à-dire que sa voyance est de plus en plus grande parce qu'elle intègre ou ne se limite pas à comprendre simplement l'expérience de l'homme, mais aussi à comprendre l'expérience de l'évolution de la Terre en lien avec ce que l'homme doit connaître pour s'assurer qu'il ne se trompera jamais devant l'invisible lorsqu'il adressera celui-ci. Et le troisième point de l'amour, ou le principe cosmique de l'amour, est d'harmoniser les hommes entre eux. Et c'est cela dont il est question dans cet exposé, parce que l'homme doit en arriver lui-même à s'harmoniser d'abord pour pouvoir ensuite parler du principe de l'amour avec une telle froideur qu'il ne s'invitera pas sur le discours des autres, mais qu'il accompagnera celui-ci tout en étant très tranchant pour ne pas permettre en aucun temps à une conscience d'être sous l'aura de quelconque entité pouvant lui faire croire que l'amour est un principe qui se perçoit dans les sens de l'homme. Le principe de l'amour se percevra et se vibrera au niveau du mental parce que s'il descend trop profondément dans les corps subtils de l'homme au niveau de ses chakras, cela lui donnera l'impression qu'il est immortel trop rapidement. Et le principe de l'amour, pour qu'il reste un principe vibratoire qui permet à l'ego de transmuter des mémoires et des expériences en lien avec le principe de l'âme, il faut qu'il soit ce principe, un principe éthérique qui situe dans la conscience de l'homme la grandeur de sa destinée en lui rappelant toujours qu'il n'a pas à craindre l'invisible, mais qu'il est cet invisible dans la matière. Et c'est pour cela que, quand l'homme intègre son intelligence et sa volonté, il doit participer d'une autre façon à l'élaboration de son mental pour que celui-ci ne soit jamais stagnant. Et c'est dans le principe de l'amour, car l'homme, pour s'habiter totalement dans la matière et pour comprendre que l'expérience des hommes et des femmes qui sont autour de lui n'a pas de valeur symbolique en autant que l'homme puisse les respecter intégralement. Cependant, une vie se ne fait pas seule et l'harmonisation du principe de l'amour dans la conscience d'une personne permet d'élever l'harmonisation que l'ego aura dans ses rapports avec les hommes et les femmes pour qu'eux ne pensent pas qu'ils n'ont pas ce qu'ils doivent avoir, pour eux aussi être authentiques et intègres selon leur propre intelligence à définir dans tous les moments et tous les instants de leur vie personnelle, et cela à chaque jour, à quel moment ils se font astraliser ou à quel moment ils sont perturbables par rapport à leur énergie environnante. Est-ce que le principe de l'amour descend rapidement dans l'homme? La réponse est non. Et la réponse est non parce que l'homme est habité encore de mémoire qui lui permet ou qui lui rappelle constamment qu'il est un enfant de Dieu. Et pour faire éclater la réalité que l'homme est un enfant de Dieu, il faut qu'il puisse aller dans les mondes invisibles et les habiter, ces mondes invisibles-là, tout en étant très intégré dans la matière, c'est-à-dire enraciné, pour ne pas perdre de vue que l'homme n'a pas à se sortir de la matière pour être un être universel. Il doit plutôt intégrer cette matière-là et lui donner à cette matière-là la couleur de son aura afin que sa vie soit autour de lui en harmonie avec ce qu'il est et non lui être en harmonie avec la vie, car tout part éventuellement du principe que l'homme qui a intégré cette énergie-là de l'amour cosmique en arrive à percevoir que les éthers qui se trouvent autour de lui doivent être interchangés, non pas par une vibration astrale, mais par une vibration qui émane tout simplement du rayonnement qu'il a sur lui-même pour engendrer dans une absolue volonté et intelligence la réalité que la matière ne doit pas le brimer, lui, dans sa personne, et que celle-ci a à être changée afin qu'on ne l'habite pas. Si vous entrez dans un endroit et vous remarquez que cet environnement-là est perturbé, par exemple, une personne peut avoir une crise de cœur dans l'environnement où vous êtes et les ambulances vont venir et cela va changer totalement la configuration de la pièce. Mais si vous avez un discours intérieur et que vous êtes capable d'aimer la réalité que l'homme doit être accompagné par l'homme, vous pouvez voir que la personne qui fait une crise de cœur, quel sera son état de santé dans 2, 3 minutes ou dans 10 minutes. Cela veut dire que personnellement, vous avez accès à de l'information prépersonnelle pouvant vous permettre de simplement apaiser l'éther au lieu de tomber vous-même dans l'impression que vous devez vibrer à ce qui se passe. Incontestablement, il y a dans l'homme une capacité d'aimer l'homme très grande lorsque ce mouvement se passe, parce que vous saisissez l'expérience de l'individu qui vit cette crise de cœur et qui doit être soumis tout simplement à un enjeu très grand face à sa vie personnelle, car cela amène nécessairement de l'incertitude. Qu'est-ce qui se passe avec moi et vais-je mourir de cela? Étant donné que l'homme peut aimer l'homme sans nécessairement lui dire, il se passe ceci. C'est-à-dire que si vous êtes en présence de certaines personnes et qu'il y a de l'harmonie, vous aimez déjà cette harmonie. Il ne s'agit pas de croire que cette harmonie-là relève du principe de l'amour, mais elle relève certainement d'une amitié ou d'un respect que les individus ont entre eux. Par contre, est-ce que le discours que vous pouvez tenir avec des amis doit toujours être respectueux ou doit aller plus loin si le besoin se fait sentir en lien avec une vibration prépersonnelle qui doit être établie chez l'autre? Et lorsque la vibration d'établir dans une conscience la réalité qu'elle est la seule personne qui doit comprendre sa vie, il y a ce principe d'amour-là qui surgit parce qu'une personne ne peut pas s'inviter sur la conscience de l'autre, mais comment peut-elle aussi interpeller dans sa voyance la réalité que l'autre est aussi immortel que lui en conscience, mais que cette immortalité-là ne se vivra pas simplement dans la complaisance d'une harmonie qui ne doit jamais être brisée. L'harmonie reste, même si l'homme avance dans la conscience, des discours qui permettent de perturber l'ego pour qu'il puisse reconnaître et monter en élévation au niveau de sa capacité à reconnaître que les interfaces cosmiques de la conscience d'une personne ne peuvent pas rester complètement incomprises par l'homme dans son processus, car il doit constamment, ces interfaces-là, les provoquer pour que jaillissent de ces silences que l'homme peut avoir avec l'invisible des réponses pas nécessairement claires et absolues, car l'ego n'est pas toujours en mesure de recevoir ces réponses, mais qu'il en reçoive la vibration. Et c'est là que le principe de l'amour cosmique ne se discute pas ou ne se décrit pas au niveau de la vibration, car il sera toujours froid. Et quand on parle de froideur, on ne peut pas dire qu'un ego qui est en état de choc va comprendre cette froideur, car cela demande énormément de temps à l'ego pour savoir que la froideur est la plus grande des vibrations qu'il doit vivre en lien avec sa vie matérielle. Pourquoi cela? Aussitôt que l'ego est chaud dans la matière, il vibre à de l'insécurité. Aussitôt que l'ego est froid et qu'il n'est pas conscient de ce qui se passe au niveau de sa conscience, il peut développer dans sa personnalité des formes de prise de conscience qu'il croit être intelligente, alors qu'en fait, il ne s'agit qu'un reflet d'un certain orgueil que l'ego ne peut pas se détacher parce que cela lui sert pour ne pas trop lui permettre de vibrer à une lumière qu'il ne peut pas absorber. Et le principe de l'orgueil demeure et sera toujours l'antithèse du principe de l'amour parce que l'orgueil est un principe qui n'amène aucune harmonie entre les hommes parce qu'il essaie toujours d'amener sur la conscience de l'homme la réalité suivante, soit que le principe de l'intelligence ne se réfléchit jamais et on ne peut pas dire quelque chose à l'homme dans une vibration si on l'a d'abord réfléchi. Pour être impersonnel, ce qui amène l'ego à être impersonnel totalement, c'est le principe de l'amour, parce qu'il est froid. Étant donné que ce principe est froid, il permet à l'homme de juxtaposer à son regard celui de la lumière pour être davantage dans le principe vibratoire que ce qu'il a à dire à l'homme n'est pas pour son bien et ni pour le faire évoluer, mais c'est parce qu'il a à le dire à l'homme. Celui qui entendra le discours aura ensuite à décider de ce qu'il reçoit comme information, comme vibration, pour valider ou tout simplement pour s'établir lui-même dans sa propre intelligence et volonté afin de reconnaître qu'est-ce qui s'est passé pour lui sans jamais se soustraire à la réalité qu'il peut toujours se faire astraliser. Une vibration, ça ne se discute pas. Mais une vibration, ce n'est pas toujours absorbé dans un mental parce que le mental supérieur de l'homme n'est pas suffisamment apte à saisir qu'est-ce que veut dire ou qu'est-ce qu'est une vibration. Et lorsqu'on parle de volonté, on peut très bien voir que la vibration de la volonté est celle d'amener le feu à l'homme pour qu'il puisse faire éclater les formes. Alors que la vibration de l'intelligence sera toujours celle d'ajuster le corridor de l'information pour que celui-ci réponde totalement à l'intégrité de la conscience de l'homme pour qu'elle ne le desserve jamais. C'est donc dire que dans cette intelligence-là, il y a toujours de la voyance, il y a toujours une communication, il y a toujours un verbe et une vibration permettant à l'ego de saisir à quel point de l'intelligence c'est intelligent. Ensuite, vous avez le principe vibratoire de l'amour. Et au départ, ce principe vibratoire-là de l'amour, étant donné qu'il est froid et que l'homme a été chaud toute sa vie, il va créer dans le mental supérieur de l'homme une vibration très particulière l'amenant à être dans une certaine mesure incapable de comprendre tout ce qui se passe lorsque celle-ci le traverse. Par exemple, l'homme va pleurer, car cette vibration est tellement grande et sa vibration va même changer parce que ce qui est mis en vibration, ce n'est pas son corps émotif, mais c'est son corps mental qui, pour la première fois, aura connu une énergie si grande qu'il n'en arrivera pas à exprimer en mots ce qu'il saisit. Mais plus l'homme s'habitue à cette vibration, plus avec le temps, il saisit dans cette vibration la beauté universelle et infinie que l'intelligence à laquelle il a droit ne possède aucune dimension électrique pouvant le soumettre à un mensonge. Étant donné qu'un homme en arrive à une fusion tellement particulière avec sa conscience, il lui est impossible de réfléchir cette énergie. Et c'est cette vibration qui, avec le temps, va ajuster sa parole afin qu'elle s'harmonise totalement à l'expérience de l'homme sur la terre, ce qui veut dire que l'homme comprend pourquoi l'homme vient faire un tour sur la terre et il comprend aussi l'expérience de tous ceux qu'il rencontre autour de lui parce que s'il va à l'intérieur, l'intelligence qu'il aura sur la réalité des hommes sera toujours le point de vue de la lumière et ne sera jamais cachée derrière un principe d'orgueil qui serait dans son ego caché à lui pour se donner un avantage sur les hommes. L'homme qui aime l'homme ou la femme qui aime l'homme ne se donne jamais d'avantage sur les hommes ou sur les femmes parce que dans le principe vibratoire d'émettre à l'autre un regard ou une vibration en lien avec une parole qui ne permet pas à l'ego de se flatter, il y a toujours ce choc possible de confrontation entre les forces égoïques de l'âme dans l'ego qui écoute la parole et la vibration. Est-ce que celui qui se fait dire qu'il y a dans son ego telle réalité à dépasser ou qu'il a tel regard à amener dans sa vie pour mieux comprendre ce que veut dire être conscient sur la terre, n'accueillera pas nécessairement toujours la vibration car il la croira peut-être trop avancée ou encore peut-être trop percutante. Et cela est perceptible du simple fait que l'harmonie sera changée dans la pièce où les égaux qui auront témoin d'une telle réalité ne pourront pas nécessairement non plus absorber ce qui a été dit, car cela est impersonnel. Et l'impersonnalité a ceci d'universel dans une conscience, c'est qu'elle amène l'ego à ne jamais penser que ce que l'on dit ou ce qui a été dit est une réalité qui appartient à de la croyance, à un mensonge ou à une vérité. Tout ce qui est impersonnel provient nécessairement d'une capacité vibratoire des forces de la lumière de faire vibrer l'homme à un tel niveau atomique en conscience afin que son taux vibratoire qui émerge de cette vibration puisse lui permettre de parler dans un discours qui transcendra toutes les formes instantanément. Dans le principe de l'amour, il y a ceci, c'est que lorsque l'homme émet dans sa parole ce qu'il a à dire, il y a aussi dans la vibration le fait que l'homme sait très bien que quand il parle, il change dans la constitution atomique environnante des cellules qui sont exposées à cette parole vibratoire, les propres cellules des consciences qui s'y retrouvent. Et vibratoirement, cela n'est pas toujours accepté parce que nous sommes dans un processus lent de conversion d'énergie au niveau du principe de l'amour pour que celui-ci soit totalement froid. Il est très difficile pour un ego d'être froid parce qu'il est trop personnel, il est polarisé et il pense que ce que l'homme doit dire ne peut pas le perturber. Et c'est là le sens contraire du principe de l'amour, soit que le principe de l'amour percute l'ego et il met en vibration les failles de l'ego pour que celui-ci puisse les abattre plus rapidement. Mais est-ce que l'ego l'acceptera, cette réalité-là? Que très rarement, à moins qu'il puisse aller à l'intérieur de lui-même et exiger dans sa conscience le principe suivant, c'est-à-dire de demander à son double, est-ce que cela est réel, ce que l'on dit dans le discours entendu, et aussi, surtout, est-ce que c'est vraiment une vibration qui permet à l'homme de l'élever dans une conscience individuelle ou est-ce que c'est un discours qui amène des formes pour l'amener, lui, à douter de lui-même? Si le principe de l'amour est un principe froid, c'est pour ceci. C'est qu'il n'amène pas dans l'ego une construction rapide. Il amène dans l'ego une construction lente de ce qu'il va devenir sans que celui-ci puisse contenir dans un réservoir de temps ce qu'il deviendra. Et c'est pour cela que le principe de l'amour est unique, en ce sens qu'il ne permet jamais à l'ego de pouvoir réfléchir ce qui vient de se produire, parce qu'il est un principe qui élève dans le mental de l'homme la nature cosmique de son être. La nature cosmique de l'être de l'homme sera toujours l'intégration des trois principes afin que, dans une fusion de sa volonté, son intelligence, il puisse lui-même aussi rayonner en tant que principe universel d'amour sur la terre. Et lorsque l'homme rayonne en tant que principe universel d'amour sur la terre, il comprend que l'harmonie possède aussi une capacité de destruction, car on ne peut pas rester toujours dans les mêmes formes et penser que nous sommes dans l'harmonie. Il y a trop sur la terre d'obstacles qui font croire aux individus que de l'intelligence, c'est de l'intelligence, alors que souvent, cette intelligence-là ne correspond pas à la dimension atomique que tout égo qui est dans une faille ou qui vit une réalité aura à subir un choc pour dépasser cette réalité-là. que ce soit dans sa vie personnelle. Si c'est dans sa vie personnelle, il y a un événement qui va se produire et l'ego aura obligatoirement à se regarder parce qu'il sera placé dans une volonté pour l'amener à comprendre avec intelligence ce qui lui arrive. Mais lorsque l'homme est destiné à une plus grande autorité de conscience dans une vie, et étant donné qu'une vie est très courte, il se peut qu'il soit appelé dans un discours vibratoire, en étant exposé à une certaine parole, à transcender des formes très rapidement. Cela veut dire qu'une personne peut facilement vivre 2 ans de sa vie en l'espace d'une heure. Au niveau énergétique, on s'entend, parce qu'il y aura des mémoires et il y aura aussi des fronts qui seront brisés pour que l'homme puisse dépasser l'expérience de sa dimension intellectualisée de ce que peut être la conscience. Car la conscience, c'est ceci. Ce n'est jamais stagnant. Ça ne répond jamais à aucun critère. Ça évolue constamment dans un système dans lequel opère l'homme, parce que l'homme opère aussi, lui-ci, en conscience, en interpellant les lois cosmiques de la vie afin que celles-ci habite la terre et qu'elle ne soit pas étrangère à sa conscience. Car jadis, on peut très bien comprendre que les lois de la vie existaient, mais ils étaient communiqués à l'homme à travers les religions, la philosophie, sans jamais être véhiculés intégralement sur la terre, car aussitôt qu'une loi ne pouvait pas être comprise, l'homme se retournait vers les mystères pour dire tout simplement que cela appartenait au mystère. Par exemple, est-ce que l'amour, tel que amené par le Christ, était une forme de mystère en soi? Oui, car l'homme n'a jamais été en mesure de comprendre qu'est-ce que voulait vraiment dire s'aimer les uns les autres. Oui, c'était se respecter d'abord, mais est-ce que c'était aussi comprendre que psychiquement, l'expérience de chaque individu sera toujours différente selon s'il est de race noire, jaune ou blanche, parce que cela implique nécessairement que les âmes n'auront pas été créées par des mêmes intelligences sur les plans universels, et c'est cela qui a donné à l'homme sa multidimensionnalité dans la matière, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs niveaux vibratoires qui permettent à l'humanité de se développer et aussi à permettre au plan de la lumière et aux intelligences qui ont créé dans le cosmos universel la dimension singulière que l'homme, un jour, sera lui-même immortel, quelle que soit sa race. Donc, tous les hommes sont égaux sur le principe de l'intégration de leur énergie, de leur intelligence et de leur volonté, et ils peuvent tous, à un moment donné, vibrer au principe de l'amour parce qu'ils sont, eux aussi, une fusion instantanée ou une fusion complète avec la lumière du moment qu'ils ne réfléchissent plus dans la matière. Et c'est cela qui permet au principe d'harmonisation des corps de s'élever à un niveau plus haut pour permettre aussi une compréhension total des lois de la vie en lien avec son expérience singulière. Que l'homme soit d'Amérique, qu'il soit d'Europe ou d'ailleurs, il vivra dans sa conscience le principe vibratoire que le principe de l'amour ne se pense pas, il ne se réfléchit pas, il est simplement froid et lorsqu'il descend dans les cellules de l'homme, il crée instantanément ceci, c'est-à-dire qu'il interchange toutes les polarités naissantes dans le cosmos qui sont utilisées par les mondes invisibles dans l'astral pour venir percuter la conscience de l'homme et lui faire croire qu'il est plus grand que l'homme qu'il rencontre. Le jeu de l'orgueil ou le jeu de l'astral en lien avec le principe vibratoire froid du principe de l'amour sera toujours de glisser dans la nature de l'homme la capacité de se réfléchir et de s'élever lui-même au-dessus des autres hommes. En fin de compte, c'est une forme d'élitisme, mais qui sert simplement à permettre au corridor de la noirceur d'atténuer la vibration de l'homme et de ralentir la descente de la lumière sur la Terre. Le principe cosmique de l'amour est un principe froid et la seule façon dont il peut être attaqué, c'est parce que l'homme est lui-même, dans son ego, pas complètement conscient de ce qu'il est. Donc, il y a probablement de l'orgueil dans son mental qui permet aux forces de la noirceur de l'habiter. Tant qu'il y a de l'orgueil dans le mental de l'homme, le principe de l'amour ne peut pas descendre. Que faut-il donc à l'ego pour qu'il en arrive un jour à reconnaître l'orgueil qui se trouve dans son mental, il lui faut deux choses. La transparence de se reconnaître là où il est rendu dans sa vie et ne jamais cesser d'étudier avec les hommes ce que veut dire les lois de la vie, car c'est dans un habitacle de la matière que se produisent les plus grandes transmutations de l'ego, car en étant en contact avec la conscience des hommes, l'ego n'a plus de porte de sortie pour se complaire dans ses vides et ses manques et devenir dans une certaine forme d'humilité, un ego qui se réfléchit parce qu'il croit être ce qu'il est. L'homme se connaît simplement et totalement lorsqu'il est avec les hommes et les femmes et lorsqu'il interchange avec eux, car le principe d'harmonie doit être si élevé qu'il ne doit jamais brimer aucune personne en lien avec la dimension que la lumière va faire un travail absolu et total sur toutes les consciences qui habitent une pièce parce que cela est son travail. Mais cette lumière ne peut pas passer à travers toutes les consciences au même moment. Donc, il est probable qu'une conscience qui est davantage dans son principe cosmique d'intelligence et de volonté puisse être en harmonie totale avec la lumière, étant donné que la fusion de l'homme à la lumière a pour ceci de réel, soit qu'elle ne lui permet jamais d'abandonner sa conscience à de la réflexion. Cela veut dire pour la lumière que le corridor de communication entre l'homme et lui ne peut pas être intercepté par la noirceur, et c'est cela qui le rend si vibrant, ce mental, et qui permet, dans un certain cadre, la vibration de l'amour d'habiter l'harmonie de la conscience d'une personne. Et dans cette harmonie, il y a une émanation, car vibratoirement, tout ce qui est chevauché par de la lumière doit être expulsé. C'est donc dire qu'il y aura des discours qui ne seront pas reçus d'une façon aussi délicate que des discours où chacun ne fait que discourir pour simplement étudier des sujets aussi difficiles que, supposons, la culpabilité, le doute, l'arrogance, l'orgueil. Toutefois, lorsque l'ego est confronté à un discours qui l'interpelle, il est assuré que la vibration doit être très, très haute pour que l'ego ne reste pas attaché à l'impression qu'on s'attaque à lui. Et c'est cela le caractère impersonnel de l'amour, c'est qu'il ne se manifeste jamais pour donner à l'homme des réponses qui le satisfassent, mais pour briser dans l'homme les réponses qu'il n'a pas voulu entendre, tout simplement parce que celles-ci n'avaient pas à venir avant et qu'elles devaient venir du principe qu'il y a sur la terre et qu'il y aura toujours sur la terre des discours qui permettront d'élever dans les vibrations des hommes et des femmes l'identité cosmique de ce que veut dire être dans la matière un être universel. Ce que l'être universel peut faire dans la matière, c'est ceci, c'est de s'attaquer à tout mensonge cosmique qui pourrait entraver sur la Terre la descente de la lumière. L'homme ne travaille pas pour la lumière. Il travaille pour les hommes et les femmes parce que, conscient de sa vibration, il sait que si la lumière ne descend pas dans ses hommes et ses femmes, il n'y aura pas plus d'harmonie pour lui. Donc, il est nécessairement appelé à jouer deux rôles. Et ces deux rôles ont deux certitudes, soit les suivantes. C'est que l'homme ne se rend pas disponible à l'homme pour le servir, mais c'est que l'homme se rend disponible à l'homme pour l'éclairer. Et la deuxième certitude, c'est que l'homme n'a pas acheté le discours de l'invisible, car s'il priorise l'harmonie, il va savoir que l'invisible doit aussi s'ajuster au vocabulaire qu'il veut émettre, car il sait très bien que toute vibration qui ne peut pas être captée chez l'autre créera un énorme remous dans cette conscience qui le perturbera et que lui, finalement, aura servi à faire évoluer l'homme. L'homme ne veut pas servir à faire évoluer l'homme. Dans le principe de l'amour, ce qu'il veut, c'est de dire, d'une manière très froide, ce qu'il voit chez l'homme ou chez la femme pour l'amener à élever elle-même son taux vibratoire à une conscience absolue d'intelligence qu'elle n'aurait pas été capable si elle avait été seule avec elle-même pour le faire. Non pas qu'elle n'en a pas les moyens, mais simplement que le principe de l'amour amènera toujours l'homme et la femme à distinguer dans la vibration de chacun ce qui les rend plus vulnérables à la vie parce qu'on ne leur permet pas vibratoirement pour le moment actuel d'accéder à des réponses, étant donné que le taux vibratoire pour accéder à ces réponses-là est beaucoup plus grand. Donc, comment se fait-il que l'homme peut être dans sa conscience, avec la lumière, interpellé par des vibrations très hautes qui parfois bouleversent totalement sa vie? Mais cela, c'est le même principe de la parole, car la parole peut bouleverser la vie totalement d'une autre personne, et l'autre personne peut croire que ce qu'elle a entendu ou ce qu'on a dit n'était pas nécessairement respectueux à son égard, alors qu'en fait, c'est la vibration qui détermine le reste et non ce que la personne peut absorber ou comprendre. Certainement, l'homme ne veut pas utiliser sa vibration d'une manière pour faire évoluer l'homme. Ce qu'il veut, c'est d'utiliser sa vibration pour s'assurer que l'homme soit dans l'harmonisation future de sa conscience, le propre royaume de son soleil et qu'il soit lui-même apte à vibrer un jour à cette vibration prépersonnelle qui est la froideur du principe de l'amour. Car dans le principe froid de l'amour, l'homme doit nécessairement s'habiter pour comprendre que les forces de la lumière vont toujours descendre dans l'homme sur la terre pour qu'il fusionne avec elle. Et c'est cela qui devient avec le temps difficile pour l'homme, soit d'absorber toute sa lumière et aussi d'absorber tout ce que l'invisible représente dans l'expérience du développement de la conscience de l'homme sur la terre. Le principe de l'amour est donc un principe froid parce qu'il transcende toute chaleur et il ne permet jamais à l'ego de croire que ce qu'il sait est réellement plus grand que ce que peut représenter l'autre. Le principe de l'amour émane et il dispose de l'énergie de la froideur afin d'élever dans les cellules mentales de l'homme le rapport de force qu'il peut avoir avec l'invisible. Car le principe de l'amour n'appartient pas au monde de l'invisible ou au monde de la lumière. Il appartient à l'homme et il a été configuré dans les hautes sphères d'intelligence pour permettre à l'homme de s'identifier à sa propre lumière et d'être lui-même un ambassadeur du temps, permettant éventuellement au royaume de la Terre d'être reconnu dans toutes les sphères intergalactiques comme étant un royaume absolu d'intelligence, de volonté et de liberté. Liberté parce que l'homme, lorsqu'il visitera d'autres corridors du temps pour aller instruire d'autres intelligences dans le monde qui sont nécessairement beaucoup moins intelligentes que lui, de la réalité suivante, que sans le principe d'harmonisation, ces intelligences qui viennent, par exemple, sur la Terre, qu'on appelle des extraterrestres, ne permettent jamais à l'homme d'être en harmonie avec eux, car ils lui créent tout le temps un choc, et ce choc vibratoire-là n'est pas nécessaire parce qu'ils n'ont pas l'intelligence d'aimer l'homme. Et n'ayant pas l'intelligence d'aimer l'homme, ce sera à l'homme de les éduquer de ce qu'ils sont. Quand on parle de froideur, dans la vibration, il y a ceci, c'est que les trois principes qui sont dans l'homme, l'amour, la volonté et l'intelligence, tournent autour d'un même noyau, c'est-à-dire l'atome en fusion qui est l'ego dans son autorité d'esprit capable d'interpeller l'invisible pour avoir toutes les réponses à ses questions. Et à ce moment-là, il n'y a plus de mystère qui peut se jouer dans la matière pour lui parce qu'il est universel et matériel en même temps dans un seul verbe pour dire ce qu'il a à dire et s'assurer que ce qu'il dit soit dans une parfaite harmonie avec ceux qui seront dans son entourage pour parler avec lui, étudier avec lui et s'harmoniser à la réalité qu'il n'y aura jamais d'hasard dans la vie. Si vous êtes exposé à une réalité vibrante et froide, c'est parce que les forces de la lumière savaient que vous pouviez être exposé à cette réalité. Il ne se passe jamais rien dans la matière qui n'est pas su et qui n'est pas connu. Et c'est donc pour cela que le principe de l'amour descend dans l'homme, non pas lorsque celui-ci est totalement prêt, mais lorsque celui-ci est totalement capable d'intégrer dans sa conscience la réalité que ce qui est en haut doit être en bas. À ce moment, la réflexion qu'il y a dans son mental, ou tout orgueil pouvant le ramener à penser que la vibration que les plans veulent descendre en lui est trop grande, n'est pas. Elle ne peut pas être, parce que l'ego est si froid qu'il n'y a pas de place pour la réflexion dans son mental, et c'est pour cela que le principe de l'amour habite les cellules du mental supérieur de l'homme pour atomiser sa conscience à un regard absolu sur la vie qui ne lui permet jamais de se réfléchir, de douter ou de croire que les forces astrales doivent jouer un rôle lorsqu'il parle à l'homme pour le faire vibrer à une réalité que l'ego ne voulait pas voir parce que l'ego croyait qu'il n'en était pas prêt. Une vibration, ça ne se discute pas si c'est froid. Une colère mentale, ça ne discute pas si c'est froid. Mais tout ce qui est chaud, soit un principe d'amour qui voudrait harmoniser l'homme parce que celui-ci pense qu'il doit vivre une vie sur la terre colorée de mensonges, amène indiscutablement un choc. Et le principe de l'amour est là pour ça. Non pas pour créer des chocs, mais pour harmoniser l'homme dans le choc et d'instituer dans l'homme la réalité prenante qu'il est ce qu'il est et qu'il ne doit jamais cesser de s'étudier car le chemin n'est pas toujours dévoilé à l'avance, mais il se dévoile parce qu'il a été perturbé par la froideur vibratoire d'une parole qui aura émise une direction. La direction doit toujours être celle de l'homme, car sinon cela le désharmonisera. Et la direction est toujours une parole impersonnelle, car la froideur du mensonge cosmique est une vibration chaude, voulant faire croire à l'homme que peut-être il n'est pas prêt pour vivre ce qu'il a à vivre. Il n'y a pas de hasard dans la vie, et lorsque l'homme est exposé à une réalité, il doit se poser la question de qu'est-ce qu'il vient de se passer, afin que son mental ne s'affaiblisse pas et que son mental soit toujours dans le feu cosmique d'une intelligence pouvant interpeller ce que veut dire le principe de l'amour pour l'homme et non pour la lumière. Car pour la lumière, le principe de l'amour veut dire ceci. C'est la capacité de l'homme de s'embraser et d'être son propre feu pour être son propre soleil. Le principe de l'amour pour l'homme dans la matière, c'est la capacité de s'harmoniser avec l'homme dans la matière pour que jamais plus on ne puisse lui faire croire ou traiter avec lui dans une forme de mensonge. Tout ce qui est froid doit appartenir à l'homme et c'est pour cela que le principe de l'amour appartient à l'homme. Alors que la lumière est un principe d'infinité cosmique qui, dans une froideur absolue, doit révolutionner les mondes qui les entourent pour leur créer des chocs afin que la lumière puisse toujours exploser. Mais dans la matière, l'homme est celui aussi qui explose, en autant que le principe d'harmonie de sa conscience avec l'intelligence qu'il a et la volonté qu'il a respecte l'homme, selon la réalité multidimensionnelle que l'homme ne peut pas vivre trop longtemps dans la stagnation de sa vibration ou dans le mensonge d'une conscience qui se réfléchit parce que cela un jour conduira à sa perte. Il y a beaucoup d'interférences dans les consciences des hommes et ces interférences proviennent souvent d'une inhabilité de l'ego à s'étudier constamment et à se remettre en question. Se remettre en question veut dire être capable d'être transparent et de toujours se poser la question « Est-ce que la vibration est plus importante que qu'est-ce que je pense ou c'est ce que je pense qui est plus important que la vibration ?» Étonnamment, c'est toujours la vibration qui dicte la direction et non ce que l'on pense.